Le respect des bonnes manières, faut qu'on s'en imprègne. Si t'as un problème avec moi, on le règle en interne. Je suis posé, j'ai rien vu venir comme les Aztèques. Tu juges à l'aspect, je suis le dessous de l'iceberg. Demande pas d'argent, tu sais que tu rendras jamais. J'arrive en clergé, strangulation, chapelet. Ça y est, je suis déçu, fallait pas que j'en dise trop. Ça y est, je suis paro, si j'ai un doute, tu t'essaux. Réveillons sursaut, la nuit comme un cisro. Des soi-disant refresses, y'a haja, je suis dispo. J'arrive en silence, j'ai pas peur, c'est du respect. Magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Je fais des affaires avec des gosses de Richman. Un pou reste un pou, même sur le crâne d'Einstein. Ça veut plus taffer que des postes vacants. L'argent plus facile, c'est plus convaincant. Ouara dans la caisse, dans le G-wagon. La fois tu l'as, elle repart, elle revient, je sais pas quand. Je fais confiance aux gens, mais j'ai quand même une petite peur. Ces cannibales te mangent avec du l'air d'hameur. On est ensemble, mais tous en train de se viser. La merde, ça pue, même dans les chiottes de l'Elysée. T'inquiète, ça bouge pas, je sais que t'es le refrain. Mais si je t'appelle, tu vas m'enregistrer. Alarme à l'œil. Pas qu'il est temps de faire des aveux, je prends les conseils de l'imam et du milliardaire aveugle, la vérité. Tout le monde a son propre discours, si ça se trouve c'était tout droit, j'ai fait un putain de détour, t'en fais pas. J'ai pas besoin de leur thérapie, je vais me barrer sans faire de bruit comme le pétrole de l'Arabie. J'ai pris des rites frères, à attendre qu'on m'estime, mais maintenant je suis au courant de tout. Comme leur putain de domestique, ils veulent tous manger. Ouais c'est pour ça qu'ils se battent tous, la beat star. C'est du rodéo sur une basto, je passe de spi. Sans m'arrêter, salam en passant, j'apprends que ça veut ma tête dans un sac avec des glaçons. Shoot. Dans la porte, j'ai oublié le code, ça sillonne. Babylone avec des faux QR codes, ça théma. BFM juste pour savoir qui est cop de la peine. Maximal sans même savoir où est le corps. Froid, comme le sol de Vancouver. On court tous à l'opposé malgré les signes avant-coureurs. Et j'oublierai pas qu'ils se branlaient tous sur mes maquettes. Le sol est plein de braises. Mieux vaut être danseur de claquettes, n'essaie même pas. Sur le toit, y'a des tireurs. Mon pied retient l'ascenseur. Je laisse passer le procureur. Sur le front plein de sueur, une goutte déclenche le détecteur. Sous les feux des projecteurs, je les étrace comme une erreur. J'y plus rien, vous aimez trop sortir mes mots de leur contexte. J'arrive, mal intentionné comme Hernan Cortés dans Rafio. Des noirs qui rament les yeux répulsés qui se demandent quand est-ce que la vapeur va s'inverser. Full access, on gère trop mal l'excès de succès, faut que ça cesse. Sinon c'est le syndrome de Xerxès, si si c'est. Je te donne le taf si t'as pas l'accent, c'est vexant. Ça laisse des cicatrices comme un père absent. Je suis spécial, donc j'arrive avant leur messe basse en avance. Parce qu'il n'y a pas de bouchon dans l'espace. À plus ou moins dérapé. Il ne l'était pas qu'un immense rappeur, mais aussi un solide historien. Sur un dérapage complotiste d'une personnalité, pas n'importe laquelle, c'est Gims. Les théories révisionnistes de l'histoire. Le rappeur Gims a suscité la consternation générale. Tout récemment, le chanteur, ça fait comme jamais, a déclaré qu'au bon vieux temps de l'Égypte ancienne,